Mère, que la mine n'a jamais adopté. Toi qui vis tant de mal à y trouver ta place. Entre toutes tes histoires de famille et ton lourd passé, malgré tant d'amour, des images ont laissé des traces. Ta jeunesse peut facile écorcher tes beaux projets. Ta présence transformait le cambano en pas. Maman, tu as toujours cherché la plus belle rose. Et là, tu es souvent tombé sur la plus grosse épine. Et quand tu cherchais trouver la vraie cause, tu recevais parfois les plus grosses chevrotines. Ton avenir était plus sombre qu'une grotte sans issue. Toi, qui voulais tout voir mais qui était rarement vu. J'ai tellement de peine à avouer ou à décrire que même une chanson approfondie ne serait pas suffire. Nostalgique, le cœur noué par la tristesse, ton visage me hante et se rapproche sans cesse. C'est l'hommage d'une mère au grand cœur, celle où sa vie était de courte longueur, celle où sa vie avait si peu de valeur. L'hommage d'une mère qui fait de plus en plus peur. Toi qui nous as tellement appris sur la vraie vie, qui nous racontait ton passé avec tant de mélancolie. Tu nous dévoilais les principaux défauts de l'homme, surtout celui qui il y a longtemps te faisait des hématomes. On pouvait voir dans tes yeux l'amour de toute une vie. Tous les mots que tu nous adressais en étaient remplis. Tu vivais tous les jours les soucis qui t'étaient soumis. C'est fou comme ta petite vie t'a peu souri. Hommage d'une mère. Maman, je ne pensais pas que tu partirais. Toi qui allais te cacher pour pleurer, pour t'éloigner de tout cet avenir qui t'effrayait, d'une enfance qui ne t'a pas été accordée. Maintenant tu as fermé tes yeux définitivement. Papy t'a rejoint là où tu reposes paisiblement. Je n'aurais jamais cru voir ton nom gravé sur du marbre, te rendre visite dans un sinistre cimetière. Comment choisir une branche si on était le plus bel arbre, si seulement j'aurais su pour faire quelques prières. Ta petite vie était plus vite qu'un gouffre, jusqu'au moment où tu as expiré ton dernier souffle. Tu nous as apporté tellement d'amour, tu t'es démené pour qu'on voit la lumière du jour. Tu souffrais mais tu ne voulais pas le dire, tes larmes intérieures me l'ont fait découvrir. Tu gardais tes secrets autant que ton silence. Moi je t'ai vu sous les sirènes de toutes ces ambulances. Ta jeunesse a accumulé tellement de rancœur, que ta pauvre vie t'a asphyxiée par la douleur. C'est l'hommage d'une mère au grand cœur, celle où sa vie était de courte longueur, celle où sa vie avait si peu de valeur. L'hommage d'une mère qui fait de plus en plus peur.